épisode de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gymnasio. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM aujourd'hui, je suis avec Stéphanie. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Eh bien, je suis Stéphanie O'Haraud. Je suis de Saint-Étienne-lès-Miremont à la base. Je suis partie pendant une quinzaine d'années à Paris. Et comme on dit, j'ai fait un retour aux sources. Donc de retour sur Miremont depuis 4 ans. Et génial, plein de choses extraordinaires se passent. Je suis ravie d'être venue. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton entreprise? Oui, alors depuis environ un an, ça fera un an au mois d'août, hein, j'ai monté ma micro-entreprise. Je fabrique des veilleuses en papier et en bois. Le papier est découpé à la main, je fais un dessin au préalable. Donc, d'ailleurs, le dessin est personnalisable, en fait. Vous pouvez totalement choisir votre dessin. Là, j'ai un manga à faire. Wow. Ouais, je l'ai jamais fait, ça va être un vrai challenge. C'est fun. Donc ensuite, je fais mon dessin, je découpe au scalpel. Donc, tout est fait vraiment à la main, page par page. La plus grosse que j'ai fait, elle faisait quand même 12 pages de profondeur. Ah oui. C'est entre une quarantaine et 90 heures de travail, environ. Et donc ensuite, je fais un cadre avec des tasseaux de bois, simplement, où je vais coller en page par page avec des guirlandes LED. Et c'est soit des lampes selon la puissance de la lumière que je vais mettre à l'intérieur, c'est soit une lampe, soit carrément une veilleuse, en fait. Voilà, c'est passionnant. C'est très joli, c'est un rendu. Et en ce moment, je travaille beaucoup avec les géométries, donc c'est encore plus puissant. Et depuis quand elle existe, ton entreprise? Comment est-ce que tu l'as créée? Alors, j'ai monté le statut au mois d'août de l'année dernière, donc ça va faire un an bientôt. Et en fait, j'ai pas inventé le concept, l'idée existe déjà. D'ailleurs, vous pouvez trouver des lampes toutes faites sur Amazon à 20 € en polystyrène et en plastique. Donc c'était le côté-là qui me faisait un peu mal parce que la main humaine n'a eu aucune intervention dedans, en fait. Donc c'est vraiment que des machines. Et certes, c'est très beau, mais ça n'a pas d'âme, en fait, vous voyez, c'est pas vivant, quelque part. Donc moi, je voulais, déjà, j'adore le papier, je trouve que c'est vraiment méditatif de découper du papier, je suis quelqu'un d'assez énergique, donc ça me détend beaucoup, et vraiment apporter justement cette douceur de la création de la personne, en fait, y mettre vraiment mon énergie dedans et laisser la possibilité aussi aux gens de créer leurs propres motifs, leurs propres dessins et d'avoir quelque chose en lien vraiment concret avec eux, quoi, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir auto-entrepreneuse? Alors, à la base, j'avais pas forcément dans l'idée d'ouvrir une entreprise, mais il y a quelques boutiques qui ont commencé à avoir de l'intérêt pour mon travail. Et il fallait être réglo. Donc voilà, le statut, ça s'est fait de fil en aiguille, en fait. Donc j'ai monté le statut et voilà, ça y est, j'ai déposé mes deux premières lampes dans une boutique avant-hier. Mmh. Et chez Grimoire et Sortilège, à Remiremont. Et voilà, c'est parti, ça se met en place. Et c'est quoi l'artisanat? Pour moi, l'artisanat, c'est déjà quelque chose qui doit nous toucher profondément. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. En fait, si tu fais quelque chose et que t'aimes pas ce que tu fais, tu t'embourbes, en fait. Et moi, je sais que je suis vraiment plongée dans le papier depuis des années. J'aime beaucoup le papier. Mettre ça en place, le fait de créer des propres lampes, c'est comme mettre en lumière quelque chose d'enfoui. À l'intérieur, et je trouve ça vraiment magique, et j'aime créer des choses avec mes mains. Si je ne fais rien avec mes mains, je m'ennuie. Et même quand on me dit « est-ce que tu t'installes, tu lis des livres ?» Malgré que je travaille avec le papier, non. Je lis pas énormément, mais j'écoute beaucoup. Et en fait, le fait d'écouter, eh ben, ça me permet de faire des choses avec mes mains. Et j'ai toujours été dans l'artisanat, j'ai déjà eu deux entreprises avant, et j'ai toujours créé beaucoup de choses, en fait. Je trouve ça très gratifiant de fabriquer un objet du début jusqu'à la fin, c'est d'avoir à la fin un objet fini et qu'on trouve beau, en fait. Et j'aime vraiment ce que je fais. Et le fait de créer, est-ce que c'est pour toi comme un exutoire? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien pour te sortir un peu du quotidien? Ah, totalement. Ah oui, c'est le papier, déjà la matière en elle-même, c'est une matière très noble, le bois également, je suis dans la continuité, en fait, et oui, c'est, j'ai deux enfants, des fois c'est un peu intensif à la maison et c'est vrai que ouais, ça m'isole en fait. J'ai besoin de me retrouver dans mon petit monde intérieur en fait, un peu comme tout le monde et on a tous des exutoires différents et moi celui-ci c'est vraiment, il est très puissant et ça me fait vraiment un bien fou, ouais. Ça me canalise beaucoup. Puis vivre de sa passion, c'est extraordinaire. Ah, c'est un vrai bonheur. Je peux gérer mon temps de travail comme je veux, mes heures. Le découpage, ça fait pas de bruit. Donc, si j'ai envie de bosser jusqu'à 3 heures du matin, je peux. Mais oui, c'est vrai. Je peux gérer mon temps. Je peux gérer la façon dont je vais travailler, dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. C'est très gratifiant. J'adore. Et est-ce que tu as passé un diplôme ou suivi une formation pour faire ça? Rien du tout. Je suis autodidacte. Surtout. Ah, c'est cool ça. Alors j'ai une espèce de capacité en fait où je regarde une vidéo et je suis capable de reproduire pas mal de choses. Donc même en faisant des tartes ou n'importe quoi en fait, du coup je m'amuse beaucoup. Tout ce qui touche à la création en fait, le reproduire des objets. Après bon, ouais, comme je disais, j'ai pas inventé le concept. Hein. Je cacherai jamais cette information parce que bah, c'est déjà la vérité. Mais je voulais juste apporter quelque chose de différent à cet objet qui est déjà existant et vraiment le fait de le toucher concrètement, de le faire du début à la fin, c'est... Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers le domaine de l'artisanat particulièrement ? J'ai toujours été dans l'artisanat depuis toute petite en fait. J'ai toujours fabriqué des choses. Même gamine, s'il y avait des choses qui tombaient un peu en rade à la maison, c'était moi qui refaisais. Il y a une petite vis par-ci, une petite vis par-là à remettre. J'ai toujours été dedans. Mais en fait, la première fois, quand je me suis lancée sur les veilleuses, j'ai vu cette image sur Amazon, en fait, en me baladant, en cherchant un jouet pour mon petit garçon qui venait de naître. Et je suis tombée, en fait, je cherchais une petite veilleuse avec des étoiles, quelque chose qui est en rapport avec le cosmos. J'avais vraiment envie de mettre des étoiles. Et je suis tombée sur une de ces lampes, en fait, totalement créée par des machines. C'était très beau. Et je me suis dit, mais ça m'a émerveillée. J'ai trouvé ça magnifique comme objet. Et en fait, je me suis dit que j'allais juste m'essayer à le faire, en fait. Et j'ai essayé, j'ai réussi. Et bah, j'ai continué. Et puis, depuis, ça me lâche pas, en fait. Et j'ai plein d'idées. Et je suis du genre à avoir des idées en rêve aussi, beaucoup. Déjà, quand je faisais mon entreprise avant, quand je fabriquais des bijoux en plumes, la plupart de mes modèles m'étaient insufflés dans mes rêves. Donc, ça m'arrivait de me réveiller au milieu de la nuit et de faire un dessin. Et je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça magique, en fait. C'est vraiment un lien bien particulier, intérieur, avec l'objet que je fais. Ah, si tu dors avec une personne à côté, elle va se dire, qu'est-ce qui se passe? Non, mon ex-mari, il devenait fou avec ça. Des fois, je me relevais en pleine nuit. Bon, après, voilà, il y avait forcément des enfants à s'occuper, donc il se disait que c'était pour les enfants, mais des fois, pas du tout. J'étais dans la cuisine en train de griffonner. Ça m'est même déjà arrivé de faire une boucle d'oreille au milieu de la nuit. Ah oui? Ah oui, une. Pas la paire, mais au moins une. Mmh. La deuxième, je le faisais quand j'avais le temps le lendemain et tout ça. Mais ouais. Beaucoup dans les rêves. Et dont un, dont j'étais super fière, en fait, c'était un serre-tête avec des plumes. Et en fait, il suffisait de déclipper une petite pression, de tirer sur une petite chaînette que j'avais accrochée. Ça faisait un éventail. Et celui-ci, j'ai mis longtemps à le faire. Mais quand je l'ai réussi, j'étais super fière de moi. Et c'est pareil, c'était dans un rêve. D'accord. Est-ce que tu as un atelier ? Alors, j'ai aménagé mon appartement de manière à avoir une pièce pour pouvoir travailler, parce que le bois, ça fait beaucoup de poussière. Le découpage de papier, ça, je le fais un peu partout. Ça m'arrive même de découper par terre dans ma cuisine. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour faire le cadre en bois, le fait de poncer, de découper tout ça, et puis même les machines, il me fallait une pièce sécurisée, en fait, pour que les enfants n'y aient pas accès. Donc, j'ai aménagé mon appartement de manière à avoir une pièce pour moi, en fait, pour travailler. Mais non, j'ai pas d'ateliers qui sont visitables, quoi, en fait. Et t'as une tenue particulière quand tu touches le bois, les lunettes, le masque pour pas respirer le bois, etc. Ouais, j'ai pas le choix. Ouais. Avant, je mettais juste un petit masque classique et non. J'en suis venue à le gros casque de protection, le bon masque bien, bien épais qui protège. Les lunettes, ça, y a pas le choix. Je me suis pris une fois un copeau dans l'œil, plus jamais. Ça fait très mal. Du coup, j'ai pas pu bosser pendant 2 jours parce que j'ai eu un orgelet. Ah oui. Donc, c'est moyen. Donc, oui, j'ai pas le choix. Ouais, lunettes. Et puis, la tenue, hein, classique, hein, la petite salopette. Voilà. Le plus à l'aise possible, en fait. Liberté de mouvement. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler de tes créations. À tout de suite sur Radio Gémozo. Passer ma vie sur les routes, nomade tel un vagabond. Passer ma vie goutte après goutte, goûter tout ce qu'il y a de bon. Passer ma vie à raconter des histoires, chanter des chansons. Fuir ce monde qui est illusoire, ce monde qui me fait la leçon. Moi, poète inutile, fainéant, improductif et lâche. Moi, la cigale qui chante l'été quand les fourmis se tuent à la tâche. Passer ma vie à crier sur les toits que l'homme n'est pas fait pour ça. Passer ma vie tout près de toi parce que sans toi je ne suis pas. Ils ont bâti un monde de blasés qui pensent que tout est cuit, qui pensent que plus rien ne peut changer nos rêves, nos vies, nos espoirs écrasés. Enchaînés à leur chaîne de pensée, esclaves de leur réalité. Passer ma vie à essayer de me persuader qu'un jour peut-être les choses changeront d'elles-mêmes. Passer ma vie à vouloir faire avec. Passer ma vie à accepter tout ce que je ne peux pas changer. Passer ma vie à vouloir changer tout ce que je ne peux pas accepter. Passer ma vie à te regarder dans le blanc des yeux. Passer ma vie à espérer qu'on sera toute la vie tous les deux. Passer ma vie tant bien que mal à vouloir vivre le bonheur. Quand bien même ce monde nous inonde de ces immondices horreurs. Un étranger, c'est tout ce que je suis. Sur terre je n'ai pas de chez moi. Chez vous c'est bien trop petit, trop à l'étroit dans votre paradis. Mon cœur et mon âme s'évadent, s'envolent, rêvent d'une autre vie. Passer ma vie. Passer ma vie. Passer ma vie. Passer ma vie. Passer ma vie. Passer ma vie à oublier qu'un jour viendra la nuit qui me dira que mon heure est passée, que je ne pourrai plus désormais passer ma vie tout près de toi à me dire que tu es si belle. Passer mes nuits sous ce toit où nos songes se ramassent à l'appel. Passer ma vie à crier à l'injustice et aux mensonges. Passer ma vie à passer pour un fou, un parano, un étrange. Passer ma vie à m'indigner pour tout et pour n'importe quoi. Passer ma vie à radoter les mêmes mots pensés mille fois. Passer ma vie à regarder passer ce monde fier, futile, furieux, folle caravane de l'insensé. Passer ma vie, penser, dépenser cette vie dont j'aimerais être heureux le jour où elle sera dépassée. Passer ma vie, wow, passer ma vie. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Stéphanie. Alors Stéphanie, comment est-ce que tu fabriques tes veilleuses ? Bah ça dépend toujours sur le même principe, le dessin. Une fois que le dessin est fait, je réfléchis longuement à la façon dont je vais le découper pour avoir justement cet effet de profondeur. Mais c'est très intuitif en fait, en général ça vient tout seul. Là j'ai eu une commande pour faire le cycle lunaire. Vraiment, j'ai galéré pendant un mois pour savoir comment j'allais faire un effet de profondeur sur un cercle. J'ai recommencé plusieurs fois et en fait, j'ai trouvé très facilement et en deux jours, c'était fait. Voilà, donc des fois, ça part de je me pose trop de questions et en fait, il faudrait pas que je me pose de questions. C'est très intuitif en fait et j'y vais vraiment au feeling. Et puis selon la matière, selon le papier, l'épaisseur du papier, ça peut jouer aussi sur le temps de découpe et tout ça, mais c'est souvent très intuitif en fait. Et si tu es pas contente d'une de tes créations, est-ce que tu retires tout et tu jettes ou est-ce que tu recommences et tu gardes les matières premières ? Alors, ben une fois que c'est découpé, je suis obligée de jeter, donc je dois reprendre des feuilles, Mais je suis pas du genre à me laisser abattre. Si j'y arrive pas, je recommence jusqu'à ce que j'y arrive. Mais des fois, je peux recommencer plusieurs fois. Voilà. Non, si j'aime bien le motif à la base et la façon dont je l'ai fait, j'aurais très bien pu laisser tomber avec le cycle lunaire, mais non, j'ai persisté et j'ai réussi. Et c'était très simple, en fait. Donc non, après, je me laisse guider. Si jamais je vois que je persiste trop et que ça va pas, je fais autre chose et je reviens dessus après. Mais non, je lâche pas l'affaire. Et sur quel type de bois tu travailles ? Bah, en fait, j'utilise des tasseaux. Donc, c'est du pin, du sapin. Après, j'ai pas encore eu la chance d'utiliser des bois un peu plus nobles. J'adorerais utiliser du bois de rose. Je trouve ça vraiment superbe. Mais ça se trouve pas forcément en tasseaux et avec les bonnes dimensions que j'utilise. Parce que je prends des petits tasseaux de 1 cm sur 1 cm pour avoir déjà un cadre. Mais pour l'instant, c'est du pin et du sapin. C'est des tasseaux de travaux qu'on peut trouver un peu n'importe où. Mais avec le temps, en fait, je pense que je viendrai à des bois plus nobles et à acheter sans doute des machines pour me faire mes propres gabarits, quoi, en fait. Et de tous les bois que tu utilises, c'est lequel qui est le plus difficile à manipuler ? C'est du pin et du sapin, donc c'est plutôt mou. Donc, ils sont assez simples d'utilisation. Après, sur certaines lampes, j'ai sculpté les baguettes, en fait. Et c'est vrai que c'est des bois très fragiles. Donc, j'aimerais justement, en fait, avoir des bois plus nobles pour ne plus avoir cette fragilité quand je le sculpte, en fait. Par la suite. Et quel type de papier tu utilises ? Ça dépend. J'ai commencé avec des feuilles A4 toutes simples, en fait, mais c'est trop léger. Donc, ça dépend de la finesse de découpe. Si c'est des toutes petites lignes à faire, forcément, je vais prendre un grammage un peu plus épais. Du papier Canson, enfin, Canson, c'est la marque, mais du papier cartoline, quoi, en fait. Après, je peux utiliser de la couleur. Je l'ai déjà fait avec de la couleur. Mais en général, ouais, des papiers assez épais. Est-ce que tu fais des croquis avant de fabriquer une veilleuse, par exemple, ou est-ce que tu y vas à l'instinct ? Alors, les croquis, c'est obligatoire, parce que de toute façon, avant de commencer à découper, il me faut déjà un dessin au préalable. Donc, je commence mon dessin, je découpe la première page, et ensuite, j'adapte le dessin autour. Après, je dessine pas forcément très bien, donc ça m'arrive de décalquer des petits motifs pour un petit cerf ou quelque chose sur l'ordinateur directement. Et c'est moi après qui aménage un peu mon dessin comme je veux. Mais ouais, il y a toujours un dessin avant. Ouais. C'est obligatoire. D'ailleurs, c'est le dessin que je recommence le plus souvent en général. Et quel matériau tu utilises pour travailler le bois ? Alors pour travailler le bois, j'ai pour découper aux bonnes dimensions, j'ai une petite scie sauteuse. Et une ponceuse à main, en fait. Rien de... D'accord. Et comment t'es venue l'idée de mélanger le bois et le papier pour faire des veilleuses ? C'était pour garder le côté vivant, en fait. C'était une continuité, le fait de travailler du bois, le papier, du coup, on en vient au bois, quoi. Et c'est beaucoup plus joli, un cadre en bois qu'un cadre en plastique. Donc, ça a été naturel, en fait. D'accord. Et comment est-ce que tu fais pour manipuler ces différents matériaux ? C'est de l'association, ils vont ensemble, donc non, j'ai pas de... C'est pareil, c'est toujours du feeling, en fait, donc je me laisse un peu guider. Des fois, ça marche pas, et je m'arrête, je vais pas réussir, ou alors les baguettes vont être un peu tordues, donc je me laisse guider selon le moment, et je suis capable d'en faire 3-4 en même temps, en fait, parce qu'il y en a une, ça marche pas du tout, donc je vais la mettre de côté, puis je vais faire soit le découpage, soit le cadre d'une autre, elles vont finir par être toutes terminées, mais voilà, je suis capable d'en mettre deux trois de côté et d'y revenir, quoi. Et comment est-ce que tu fabriques des veilleuses en 3D ? Alors, c'est pas vraiment de la 3D, c'est plus donner un effet de profondeur. C'est pas compliqué plus compliqué que ça en fait. Il suffit simplement d'avoir le dessin. Il y a pas longtemps, j'ai fait le Roi Lion. Je m'attendais à vraiment quelque chose de difficile sur les petits lionceaux, et en fait c'est simplement quand j'ai décalqué le dessin de base, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'ombres. Bah, j'ai simplement découpé les ombres, et du coup elles sont mises en lumière sur elle fait 5 pages de profondeur, donc sur les 5 pages de profondeur, en découpant les ombres au fur et à mesure, les yeux, les pupilles, les cils et tout ça, bah ça donne cet effet de 3D, en fait, sur le dessin, quoi. Et tu utilises quoi comme lumière ? Alors, je suis aux petites guirlandes LED, donc qui sont déjà autocollantes. Pour l'instant, elles fonctionnent à piles. D'ailleurs, je recommande de mettre des piles rechargeables parce que ça tient quand même beaucoup plus longtemps. Puis, c'est beaucoup plus propre, quoi, on va dire. Mais dans l'idéal, ouais, peut-être en venir à des batteries rechargeables avec un chargeur, en fait, par la suite. C'est dans la continuité, en fait. Je pense que ça viendra sur certains modèles qui vont être plus grands. Là, on m'avait demandé de faire un modèle, c'était sur 1 mètre. Et là, c'est carrément une prise que j'ai mis, en fait. D'accord. Et combien de temps est-ce que tu as mis en moyenne pour faire le Roi Lion, par exemple ? Le Roi Lion, j'ai travaillé 72 heures dessus. Il y avait déjà tout le dessin au préalable. La découpe, j'ai recommencé, oui, peut-être 2 ou 3 fois, le temps de vraiment trouver comment faire. Et puis, bah, une fois que j'ai trouvé, ça a été assez facile, mais le cadre m'a pris beaucoup de temps parce que, effectivement, je me suis amusée à sculpter le S de Simba et le N de Nala sur les petites baguettes en bois, enfin, sur la tranche, en fait. Donc, oui, celle-ci, elle m'a pris plus de temps. Donc, ouais, 72 heures environ. Et de tous les produits que tu proposes, c'est lequel qui a plus de succès auprès de ta clientèle ? Pour l'instant, j'ai fait que des motifs que les gens choisissaient, en fait. Donc, au final, ils ont un peu tous du succès puisque c'est les gens qui me proposent leurs dessins ou leurs idées, en fait. Et moi, je les concrétise simplement. J'ai des motifs que j'ai faits pour moi, que j'ai choisis. Mais en général, c'est les gens qui me demandent ce qu'ils veulent. Et moi, je le fais. Est-ce que tu préfères fabriquer quelque chose qui te plaît à toi, mais pas forcément aux autres, ou faire quelque chose qui plaît aux autres, mais qui te plaît pas à toi ? Alors, si le motif de base que la personne va me proposer me plaît pas vraiment, je vais forcément trouver quelque chose pour mettre un petit peu ma patte, vous voyez, dedans. Donc, au final, ça finira par me plaire aussi. Et de toutes les créations que tu as faites, c'est laquelle dont tu es la plus fière et pourquoi ? Alors, celle dont je suis la plus fière... D'ailleurs, c'est pas celle qui a le plus plu à ma cliente, mais c'était, elle m'avait demandé un intérieur, en fait, avec ses enfants, sa famille réunie, une cheminée et tout ça. Donc, c'était vraiment comme une pièce à vivre. Et j'avais 9 jours pour la faire et j'ai travaillé 90 heures dessus. Et ça a été un vrai challenge. Je savais pas comment j'allais faire, mais au final, le rendu, je l'ai trouvé magnifique et j'étais vraiment très, très fière de moi. Mais je suis de toute façon fière de toutes mes lampes, je les adore. J'y mets vraiment, j'y mets tout mon cœur quand je les fabrique en fait. Est-ce que tu te souviens de ta toute première création ? Alors oui, c'était il y a 2 ans, c'était pour l'anniversaire d'une jeune fille avec qui j'étais en lien. Elle allait avoir 14 ans et elle aimait beaucoup beaucoup les chevaux, les animaux un peu mythiques, les licornes, les dragons, et je lui ai fait une licorne. Et d'ailleurs... je m'en veux parce que j'ai pas mis de cache protection devant et du coup elle m'a dit qu'elle prenait beaucoup la poussière, donc bon bah voilà, c'était une expérience, je l'ai fait, mais c'était la toute première, elle faisait 11 pages de profondeur, j'avais mis, c'était la première, donc j'ai dû travailler 100 heures dessus et ouais, j'avais pas eu l'idée encore de mettre une feuille de protection devant et bon bah malheureusement elle a pris la poussière, maintenant ça y est, le problème est réglé, mais ouais, c'était il y a 2 ans. Alors, tu fabriques des veilleuses en bois, mais pas que, parce que via les réseaux sociaux auxquels tu es inscrit, à savoir Facebook et Instagram, tu proposes des décorations murales en papier. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Alors oui, je suis arrivée dans mon appartement il y a environ 3 ans et il y avait un angle de mur, je ne savais pas du tout quoi en faire. Et c'est ma fille qui m'a dit « Maman, mets des fleurs ». Donc j'ai commencé à faire des fleurs en papier, on s'est amusé à découper des fleurs en papier en regardant des tutos YouTube, merci. du coup, bah, je me suis amusée à en coller plein sur le mur. Et puis bah après, je les ai enlevées, il y en a une, elle tenait pas, j'ai mis une guirlande LED derrière. Et en fait, du coup, bah ça fait un effet, bah, ça habille tout de suite un mur, quoi. Et puis on a collé des petits papillons et tout ça. Donc oui, je propose également des grosses fleurs en papier. Après, les gens peuvent s'amuser au niveau des couleurs. Ça, c'est libre cours à l'imagination, quoi. Mais oui, des grandes décorations murales en fleurs. Donc, du coup, là, c'est vraiment du relief, quoi. C'est vraiment de la 3D, quoi, pour le coup. Et tu mets combien de temps pour faire ça ? Oh, une fleur, je mets environ 2 heures. Ah oui ? Ouais. Un petit papillon, ça dépend de la taille du papillon, mais je peux mettre entre 10 minutes et une demi-heure. Mais... je sais que chez moi, j'ai 25 fleurs de collées et 50 de papillons. Ouais, j'ai mis 2 semaines à faire toute la déco. Ah ouais? Ouais. Et est-ce que les fleurs, tu prends du papier, par exemple bleu, vert, etc. ou est-ce que tu prends du papier normal et après tu mets de la couleur dessus ? Alors, j'en ai déjà fait avec justement des papiers comme du sopalin ou tout ça. Et en fait, là, je me suis amusée à mettre du feutre simplement dessus. Mais en général, j'achète déjà du papier coloré et puis je joue avec les couleurs. Je fais des mélanges. Voilà. Sur ta carte de visite, on peut lire « L'artiste fait en créant, l'artisan crée en faisant ainsi, j'illuminerai votre vie ». Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? En fait, je trouve que cette phrase, elle est vraiment belle, elle est très, enfin, elle accroche vraiment parce que pour moi, l'artisan, c'est vraiment quelqu'un qui crée avec tout son être, en fait. Et ça reste quelque chose de très profond, en fait, le fait de fabriquer un objet. Comme je disais tout à l'heure, c'est très gratifiant de commencer quelque chose et de le sentir terminé dans ses mains. Et je trouve que cette phrase, elle me parle vraiment, quoi, en fait. Elle me définit bien. Comme je disais, en plus, j'ai pas vraiment inventé le concept. Enfin, je l'ai pas inventé du tout. Je l'ai juste remanié à ma sauce, quoi. Et c'est tous les jours une redécouverte, en fait, de son art. Ainsi j'illuminerai votre vie. Ben voilà, forcément, c'est de la lumière. C'est, voilà, ça allait avec, quoi. Alors, je voulais partager une citation avec toi de Gilbert Choquette qui dit que pour un artiste, la création n'est pas un travail, c'est respirer, c'est exister. T'en penses quoi ? Moi, je suis totalement d'accord, en fait. Parce que moi, je suis pareil, je suis dans la création, en fait. Donc, si je fais pas quelque chose avec mes mains, je m'ennuie et je trouve que c'est fondamental pour un créateur, en fait. Pour un artisan, en tout cas. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de ton actualité. On vous laisse avec Mel Tormé et Trio. On se retrouvera juste après sur le 107. I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting here for you. I'm coming home now real soon. You've been gone. Coming home, baby, now. You don't know what I'm going through. I'm coming home, I know I'm overdue. Since you went away. Expect me any day now real soon. I'm coming home. Come on home. Coming home, baby, now. You know I'm praying every night that everything is gonna be fine. Please come on. Coming home, baby, now. I want to feel you hold me tight. Expect to see me now anytime. When I'm in your arms, you're in my arms, I'll be fine. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. You know I'm counting every day. I'm coming home now, yeah, yeah, yeah. Use your phone. I'm coming home, baby, now. And baby, let me hear you say, I'm coming home, you hearing what I say, that you're coming home, and I never will go away. I'm coming home. Coming home, baby, now. You know I'm waiting at the door. They can't hold me back now, no more. All alone. I'm pressing on, baby, now. And pacing up and down the floor. Oh, hear me holler and hear me roar. Say you'll be with me. Gonna be with you evermore. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Oh, baby, say you're coming home. That's what I say I'm coming home. Something's wrong. The road is long, baby, now. Or to either ride or phone. I'm coming home and never more to roam. Baby, tell me you're baby, I'm for sure coming home. I'm coming home. Come on home. I'm coming home, baby, now. Come on home. I'm coming home, baby, now. Le véritable amour, même s'il doit tourner court, ce bonheur en tandem, les petites flammes, les dilemmes. Aime, franchement tous les jours, ce n'est pas un problème. Au fond, tu es pour, c'est ton écosystème. Aimer, ce n'est pas être simplet. Rêver, des fois c'est concret. Aimer, aimer, aimer. Kiff, un peu de sincérité, tout un tas d'adjectifs absolus, abstraits, absurdes et affectifs. Kiff, quand tu peux dire les choses, quand tu marques la pause, quand tu dis ce que tu fais, même les toutes petites choses. Prends les différents moments, les chants, les rires des enfants, le présent, les absents, qu'on pas toujours le temps. Prends ce qui peut te faire du bien dans les rapports humains. Accroche-toi au destin, au choix de l'homo sapiens. Simplet, rêvé, des fois c'est concret. Aimer, aimer, aimer, aimer. Si seulement tu pouvais illuminer toutes ces rancœurs, les broyer dans la bonne humeur. D'élargir la tribu, de rencontrer la vie. Les amis des amis seront les bienvenus. Il te plaira, même pour quelques secondes, de sortir du système, de clamer des poèmes et de refaire le monde. On y va, rêver d'unité, s'allier pour ça. Toi et moi, on est là pour apprendre à s'aimer. On y va, on tente l'aventure. On défiera les lois, on reprendra nos droits, c'est dans notre nature. Aimer, ce n'est pas être simplet. Rêver, des fois c'est concret. Aimer, aimer, aimer, aimer. Si seulement tu pouvais éliminer toutes ces rancœurs. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Stéphanie. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Est-ce que tu peux nous expliquer tes choix musicaux ? Choix musicaux. J'écoute un peu de tout. Après, je dois avouer que quand je travaille, je suis très classique. Donc j'aime beaucoup la musique classique, ça me détend vraiment. Sinon j'écoute des chansons qui me font du bien, la positive attitude quoi. Il y a plein de choses que je pourrais plus écouter, que j'aimais beaucoup avant et que je pourrais plus en fait parce que bah ça résonne plus quoi, tout simplement. Donc ouais, choix musicaux de la gaietitude quoi, de la joie, du sourire, du rire, quelque chose qui me procure une sensation de bien-être en fait, pas de la tristesse. Après, j'écoute des chansons tristes quand je suis pas bien, ça arrive à tout le monde, mais je sélectionne vraiment beaucoup. Mais quand tu dis la positive attitude, t'es en train de me mettre une chanson en tête et je te remercie pas pour ça, c'est Laurie, la positive attitude. Oh merde, je déteste en plus. Oui, alors non, j'écoute pas ça, mais ouais, en fait, c'est un peu l'idée, ouais, c'est ça, de la positive attitude, quoi, en fait, c'est... je suis quelqu'un qui bosse vachement avec les vibrations, les énergies, et moi, si ça résonne pas en moi, ça marche pas, en fait, je laisse tomber. Donc, il faut vraiment que ça me parle, en fait, et il faut que ça me procure une sensation électrisante à l'intérieur, sinon non, ça passe pas. Or moi, je t'ai découverte il y a quelques semaines dans une friperie que l'on connaît bien, la friperie Révolution de Remiremont. Est-ce que c'est la première fois que tu exposes tes créations là-bas ? Alors oui, c'était la première fois que j'allais là-bas. D'ailleurs, c'était ma première expo depuis que j'avais ouvert mon auto-entreprise. Ça a été une vraie découverte parce que c'était la première fois que j'y allais. Et d'emblée, en fait, on a commencé à parler de nos activités respectives. Lauriane, tout de suite, elle a été hyper accueillante en me disant « Mais pourquoi tu viens pas présenter ?» Et voilà, bah, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Et j'ai repoussé la date quelques fois parce que bah, des problèmes de moyens, de déplacement, donc plein de petites choses. Mais quand ça s'est fait, ça a été mais une journée mais magique. Puis ça m'a permis de vous rencontrer aussi et puis bah, du coup d'être ici aujourd'hui. Et non, que du bonheur, j'adore. Il va y avoir une autre date encore qui a été fixée et que j'ai oubliée. Et un agenda, ça serait une bonne idée. Parlant. Ouais, intuitif. Ah bah ouais, ça serait génial pour moi. Mais ouais. Je dois avoir un post-it qui doit se balader quelque part avec la date. Bonjour Stéphanie, n'oubliez pas que vous avez rendez-vous avec Lauriane demain. C'est ça. Ça serait génial. Est-ce que tu as déjà exposé tes créations ailleurs qu'à la friperie ? Alors, là, j'ai deux lampes qui sont en exposition depuis deux jours, chez Grimoire et Sortilège, donc à Remiremont, qui est vraiment juste à côté de la friperie Révolution, en plus. J'ai participé à la fête du papier de Golbey. C'était le mois dernier, il me semble. C'était une journée géniale. Bon, après, j'ai pas forcément vendu, mais alors... toutes les cartes de visite sont parties, l'intérêt des gens, même la façon dont on a été accueillis, c'était vraiment une super journée, j'ai adoré. Et puis en plus, tous les artisans qui étaient là présents, qui exposaient aussi, ont tous été ok pour me donner des lots pour l'association de l'école de mes enfants, pour la tambola. Donc tout le monde a participé, tout le monde a été génial en fait, j'ai passé une super journée. Et comment est-ce que tu t'es faite de connaître du grand public ? Bah, c'est beaucoup de bouche à oreille. Ouais, le bouche à oreille, en fait, les réseaux n'ont pas forcément joué beaucoup. Parce qu'après, voilà, comme je vous disais, je mets quand même entre 40 et 70 heures à bosser sur une lampe. Je peux pas mettre des photos tous les jours sur Instagram, enfin, ou même sur Facebook. C'est pas du journalier en fait. Donc j'expose quand c'est, enfin, je poste une photo quand c'est fini, et ça prend du temps. Donc les réseaux ne mettent pas forcément. C'est juste une page quoi en fait, une visibilité. Mais après, je suis du genre à parler beaucoup, à raconter un peu. Donc je me fais découvrir moi-même par ma chat en fait. Et puis les gens qui portent de l'intérêt aussi à mes créations n'hésitent jamais à en parler. Bah voilà, c'est comme ça que ça se fait en fait. Finalement, tu t'es établi un réseau de contacts au culot finalement. Grave, c'est exactement ça en fait. Ouais. Quand on me dit qu'est-ce que je fais, ben voilà, hop, ça y est, le débit est ouvert. C'est dur de m'arrêter. Quand on parle de quelque chose qu'on aime, c'est limpide. Ah ouais, et puis c'est passionnant, j'adore. Après, voilà, je sais reconnaître quand les gens ne portent pas forcément d'intérêt, donc voilà, je sais m'arrêter aussi. Mais en général, c'est tout le monde est assez surpris et j'ai toujours eu des bons retours dessus. D'ailleurs, j'ai pas mal de commandes là pour d'ici juillet, donc c'est cool. Je suis overbookée, comme on dirait. C'est bien. Je suis complètement jet lag. C'est ça. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Je crois que ça n'a aucun rapport, c'est américain, je crois que c'est quand, en fait, tu prends l'avion, puis t'es en décalage horaire, t'es resté dans l'heure là-bas, en fait. Ah oui, d'accord. Non. Alors, ça me non. faisait juste rire, ce terme. Ouais, j'aime bien aussi, c'est rigolo. Est-ce que tu as déjà participé à des événements pour faire découvrir tes créations, hormis à Golbey ? Bah non. Est-ce que tu envisages d'en participer à d'autres ? J'adorerais faire le marché d'été du Giremont. Et normalement, si tout va bien, si j'arrive à avoir un maximum de créations de fêtes, je devrais faire le marché de Noël de Gamvert. Normalement. Ça te donnerait une bonne visibilité, ça. Ouais. Parce qu'en plus, bah, l'année dernière, au mois de décembre, j'ai fait le marché de Noël de Remiremont avec Agassi. Bah oui, si, je suis bête, j'ai fait un événement. Le marché de Noël avec Agassi, en fait. Bon, après, c'était les petits cabanons et tout ça. La visibilité n'était pas au top. Mais voilà, c'est toujours un événement. C'est toujours de la présentation. Donc, j'y suis allée. Mais il y a justement la personne qui s'occupe du marché de Noël de Gamvert qui m'a dit, bah, ce serait génial pour toi et tout. Voilà, il faut juste que j'arrive à avoir du stock, en fait. Parce que c'est vrai que là, du coup, à chaque fois que je fais une lampe, dès qu'elle est finie, elle part tout de suite. Donc, j'ai pas de stock. J'en ai deux en stock c'est tout. C'est pas assez pour faire un marché de Noël qui dure 15 jours. Et oui, voilà. Deux semaines. Ouais, c'est deux semaines, ouais. Est-ce que tu proposes quelques-unes de tes créations en vente ? elles sont toutes en vente. Sans exception. Après, voilà, j'ai pas mis les prix sur Instagram ou sur Facebook. Donc, j'ai mis dans la description, en fait, de me contacter. J'ai mis mon adresse mail. Il y a Messenger, il y a WhatsApp. Il y a plein de... Donc, j'ai ma carte de visite avec mon numéro de téléphone qui est à disposition. Donc, voilà. Ouais, tout est à vendre, en fait. Est-ce que les tarifs sont fixes ou est-ce qu'ils sont un peu négociables parfois? Alors, le tarif pour une lampe terminée va être fixe. Après, les tarifs évoluent selon la complexité du dessin, le temps que j'ai mis, pas forcément non, puisque je bosse beaucoup dessus et toutes les heures ne sont pas comptées, c'est impossible. Mais ça change en fait, ça change selon la complexité du dessin. Si la personne veut que effectivement je sculpte un peu le bois et tout ça, donc forcément oui, les prix changent. Et c'est quoi ton actualité avec ton entreprise? Tu as prévu quoi ces prochains mois, ces prochains jours? Alors prochain jour là, jusqu'à juillet, j'ai 4 commandes à faire, des dessins que j'ai jamais fait, donc des personnages de manga que je connais même pas les mangas, donc pareil, des challenges en fait, et aussi une commande qui a un peu pris le temps de se faire, le cycle lunaire qui m'a pris beaucoup de temps, mais ça y est, plus que le cadre à faire. Et sinon, j'aimerais lancer la collection des signes astrologiques. Et je suis déjà en train de le faire. Le petit hic, c'est que j'ai un mandala que j'ai dessiné autour qui est très complexe et je mets 6 heures à découper une page. Et il y en a 4 dedans. Donc, voilà, là, j'ai investi dans une machine qui va m'aider un petit peu dans mon temps de travail. C'est une petite découpeuse... avec un petit scalpel en fait, donc faut que j'apprenne le logiciel et tout ça, et simplement réduire le temps de travail pour cette collection avec le mandala, parce que je peux pas me permettre non plus dans la fabrication d'une lampe de travailler 6 heures sur une seule page, sachant qu'il y a 4 fois à reproduire le même motif. Donc oui, voilà, faut aller avec son temps aussi. Les machines, voilà, ça aide, hein. J'utilise une ponceuse électrique, donc pourquoi pas une machine pour m'aider à découper un petit peu certaines pages. Mais le reste sera fait à la main, le cadre est toujours fait à la main, la lame même de la lampe astrologique, donc le signe à l'intérieur, sera découpé à la main. C'est juste le mandala, en fait, qui va être avec une assistance de machine. Et comment est-ce qu'on peut te retrouver sur Facebook et Instagram? Est-ce que tu as un pseudo particulier ou... Alors, sur Instagram, c'était assez compliqué de trouver un pseudo type, parce que j'ai un prénom, en fait, avec beaucoup d'homonymes, en fait. Stéphanie O'Haraud, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai dû trouver un petit... Donc, c'est Nani O'Haraud, donc Nani, N-A-N-I-I-E-E, point O-A-R-O. Donc oui, c'était un peu compliqué. Et Facebook, c'est Stéphanie O'Haraud. Bon, après, c'est pareil. J'ai mis obligé de mettre ma tête en photo parce que sinon, oui, c'est pareil, il y en a beaucoup. Donc oui, voilà, pour l'instant, c'est Facebook, Instagram. Et j'aimerais lancer une boutique Etsy aussi. C'est en cours, en fait. Mais après, bah voilà, il faut jongler avec les enfants, la création, le temps de travail, tous les aléas de la vie à côté. Voilà, je jongle avec tout ça. Donc c'est un petit peu long de créer une boutique sur Etsy. Donc, c'est en cours. Si t'avais mis Super Nanny 88, tu penses que ça serait passé comme pseudo? Non, parce qu'il y a le concept de l'émission, les gens auraient pensé que j'étais là pour éduquer leurs enfants, donc moyen. Super Nanny. J'éduque vos enfants en leur donnant des veilleuses. Oui, ça peut être un bon calmant en même temps, hein, pour les enfants hyperactifs. C'est mieux que le télémédicament. C'est clair, je suis d'accord. Je suis un peu contre la médication, donc oui. Il y a toujours des effets secondaires, de toute façon. Toujours. Donc, hormis Etsy, est-ce que tu as des futurs projets avec ton entreprise? Dans l'idéal, ce serait de pouvoir exposer dans beaucoup de boutiques de créateurs, en fait, d'avoir plus de visibilité dans plusieurs boutiques. Et pareil, je pense que là, j'aimerais bien viser la voûte au Val d'Ajol, où ils ont un panel de créateurs. Je les suis déjà sur Facebook et je suis assez impressionnée par leur accessibilité, en fait. Donc voilà, c'est pareil, j'attends d'avoir un peu de stock pour pouvoir leur déposer et puis prendre contact avec eux. Mais ouais, pour l'instant, le stock, c'est difficile d'en avoir, en fait, puisqu'elles partent assez rapidement. Elles se vendent de mieux en mieux. Et là, depuis quelques mois, allez, on va dire depuis deux mois et demi, trois mois, il suffit que je montre à une personne un motif en particulier. Et ah bah oui, alors est-ce que tu pourrais me faire ça et ça? Et puis bah voilà, ça y est, c'est parti, et encore une commande. Et c'est 15 jours de délai pour en avoir une minimum selon le nombre de commandes que j'ai avant. Donc bah voilà, en fait, j'ai pas le temps de me faire un stock, mais c'est bien, c'est, je suis contente, il faut que ça continue sur cette lancée. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? De la joie, de la prospérité, du bonheur. Du bonheur, la santé. Des paillettes. Ouais, une des licorne, papillons. Une licorne qui descend d'un arc-en-ciel. Oui, mais tout ce que vous voulez, bien sûr. Un dragon, même, tout. Cette émission est maintenant terminée, Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous. Mais merci à vous de m'avoir invitée. Ça a été un plaisir, on a bien rigolé. Oui, c'est vrai, j'aime bien. Mais je fais souvent cet effet-là sur les gens. J'espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie, mais tu me diras, mais oui, Laura, c'était exceptionnel. C'était parfait. J'espère que tu reviendras nous voir. Avec plaisir. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.